Sémiramis, l'amour en Assyrie, par Adèle et Alphonse Esquiros. Il est quelquefois des circonstances extraordinaires qui protestent hautement contre l'esclavage des femmes. C'est quand il apparaît une héroïne dont la gloire surpasse celle des plus grands hommes. On est souvent étonné de voir dans l'histoire, à côté des peuplades où les femmes semblent ne pas exister, d'autres peuples où une femme joue un rôle gigantesque. Ainsi, près des Hébreux, où les femmes n'étaient que parce qu'on n'avait pas trouvé le moyen de les supprimer tout à fait, on voyait le royaume de Saba et le royaume de Babylone. La plus grande et la plus magnifique ville du monde fut bâtie par une femme. Les femmes ne font rien à demi, ou elles restent dans leur position inférieure, ou elles s'élèvent tout à fait. La dose de courage qu'il faut pour rompre la chaîne de l'esclavage suffit pour produire un de ces êtres que l'univers admire de siècle en siècle. C'est l'égoïsme de l'homme qui créa Didon, Sappho, Sémiramis. C'est l'égoïsme de l'homme qui créa Hippolyte, reine des Amazones. C'est l'égoïsme de l'homme, enfin, qui, de nos jours, créa George Sand. Tant que l'équilibre ne sera pas établi entre les hommes et les femmes, on verra au milieu des esclaves naître des Spartacus qui se dévoueront jusqu'à la mort pour affranchir leur race. Avant la fondation de Babylone, la plus grande et la plus célèbre ville du monde était Ninive. Elle avait 7,5 lieues de longueur, 5 lieues de largeur et plus de 28 lieues de tour. Aussi Jonas, en parlant de Ninive après être sorti du ventre de la baleine, disait qu'elle avait 3 jours de chemin, c'est-à-dire de circuit. Les murs avaient 100 pieds de haut et une épaisseur si considérable qu'on pouvait y conduire à l'aise 3 chars de front. Ils étaient revêtus et fortifiés de 1500 tours, hautes de 200 pieds chacune. Ninus avait voulu ôter à tous les rois à venir l'espérance de bâtir jamais une ville égale à la sienne. Ninus était un conquérant, c'est-à-dire une de ces espèces de grands voleurs qui s'emparent de tout parce qu'ils soutiennent que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ils détruisent ce qu'on a bâti. Ils pillent, ils brûlent, ils tuent, en appelant ces hauts faits des conquêtes. Quand le prince eut le caprice de fonder Ninive sur son chemin, il était donc en train de voyager comme plus tard Alexandre, mettant tout à feu et à sang, et par ce moyen se couvrant de gloire. Ninus traitait tous ses sujets avec lui. C'était comme les troupeaux errants des premiers patriarches hébreux. L'armée était composée de femmes, d'hommes, d'enfants, de vieillards et d'animaux de toute espèce. Il en mourait très peu, il en naissait beaucoup. Aussi les forces de Ninus s'accroissaient chaque jour. L'armée ne faisait pas beaucoup de chemin, car la plupart des soldats étaient à pied. Quelques-uns montaient soit des chevaux, des vaches, des chameaux, des ânes ou des éléphants. On doit bien penser qu'on ne pouvait aller qu'au pas. Les soldats n'avaient pas d'uniforme. Beaucoup étaient presque nus. Cette multitude campait où elle se trouvait, saccageant tout ce qui était à sa portée. Il était curieux de voir ces espèces de guerriers bohémiens arriver vers le soir dans un village. Tout fuyait comme à l'approche d'une nuée de sauterelles. Les chameaux, les bœufs, les éléphants, les ânes se précipitaient vers les abreuvoirs, pendant que les gens entraient dans les maisons et trouvaient les tables préparées. C'était, comme on dit, à la fortune du pot. On se contentait de ce qu'on trouvait. Les tonneaux étaient défoncés, les arbres abattus pour en avoir plus facilement les fruits, on tuait les volailles, les moutons, enfin chacun faisait ce qu'il pouvait. Les soldats quittaient leurs guenilles et prenaient l'uniforme du village conquis. Pendant que les hommes se délassaient dans un festin de leur fatigue guerrière, les bêtes paissaient en toute liberté au milieu des champs d'orge et de froment. Une multitude de chariots suivait la peuplade errante. On portait avec soi des provisions pour les cas de disette, des armes pour les circonstances extrêmes. Les seigneurs, parmi ces bohémiens il y avait des seigneurs, l'inégalité a commencé avec le monde, les seigneurs faisaient porter leurs femmes. Ils en avaient chacun plusieurs chariots tout remplis. Ninus seul n'était sensible qu'à la guerre. Il traînait bien aussi à sa suite quelques centaines de femmes, mais ce n'était que pour échapper au ridicule. Du reste, il n'en faisait rien du tout. Une seule femme avait attiré les regards du prince, c'était Sémiramis, mariée à un soldat. Ninus aurait pu s'emparer de cette femme, comme il s'emparait des villes, par droit de conquête, mais il la respectait parce qu'il l'aimait. Sémiramis était indépendante au milieu de la tyrannie qui pesait sur toutes les femmes de son temps. Elle était indépendante, naturellement, ne comprenant pas les préjugés, et ne voyant le rien qui pût porter atteinte à sa liberté. Elle était brave comme un homme. En revanche, elle avait un mari timide comme une femme. Ce mari, dont l'histoire ne fait mention que parce qu'il appartenait à Sémiramis, était rempli de faiblesse, de vanité et de ridicule. Semiramis avait les qualités d'un héros. X avait les vices d'une petite maîtresse. On livrait une bataille. Semiramis risquait tous les dangers. X s'attribuait tous les honneurs. Semiramis venait à triompher. X raisonnait ainsi. Ma femme a triomphé. Ma femme m'appartenant, c'est donc moi qui ai triomphé. Mais la postérité n'a pas pensé de même, car elle n'a pas même conservé le nom de cet homme. Semiramis avait pour son mari la condescendance d'une mère pour un enfant maussade. Plus cette femme devenait grande, plus cet homme ridicule devenait jaloux et cherchait à l'abaisser. Il lui semblait que la réputation de sa femme était une réputation usurpée à lui-même. Il lui valut l'accaparer tout entière, respirer toute sa vie. Semiramis regardait d'un œil de pitié cet homme sans noblesse que le préjugé lui avait attaché, pendant que sa destinée l'avait presque faite l'égal de l'empereur Ninus. Cependant, le conquérant continuait ses voyages. Son armée, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards, était de 1 700 000 hommes à pied, de 200 000 chevaux avec leurs cavaliers, et de près de 16 000 chariots armés de faux. Ninus se rendit maître d'un grand nombre de villes, et enfin il mit le siège devant Bactre, qui était la capitale du pays. Il aurait peut-être vu échouer tous ses efforts sans le secours de Semiramis, qui était d'un courage extraordinaire. X devint si furieux, en apprenant le dernier triomphe de sa femme, qu'il se tua. L'empereur revint à Ninive où il épousa Semiramis. Ninus était le plus grand conquérant du monde. Il venait de s'unir à la plus belle des femmes, ou plutôt à la femme qu'il aimait, et pourtant il était grave et triste. Ninus était de ces hommes qui vivent beaucoup à la fois, mais qui vivent peu d'années. Quoique jeune, il sentait que peu de jours devaient encore se lever pour lui. Son existence avait été infatigable, se nourrissant de ce qu'elle rencontrait, couchant la nuit au milieu des camps, insensible au froid, à la chaleur, il n'avait aimé que deux choses, la gloire et Semiramis. Et peut-être n'avait-il aimé la gloire que parce qu'il aimait Semiramis. L'amour dans les grands cœurs inspire les grandes choses. Ninus eut autant d'admiration pour sa femme que X avait eu de jalousie. Semiramis eut un fils qu'elle appela Ninias. Cependant le roi se voyait mourir peu à peu, une appréhension ajoutée à son malheur. Le seul roi digne de régner sur ses vastes conquêtes, c'était la reine. Comment, contre le préjugé reçu, pourrait-il en mourant la placer sur le trône? Il eut recours à un artifice. Il pria son peuple de ne pas lui nommer un successeur avant 5 ans, et pendant cet espace d'obéir à Semiramis. Ninus mourut. Semiramis eut à peine gouverné quelques jours, qu'elle fut d'une voix unanime proclamée impératrice. Elle éleva à Ninus un superbe tombeau qui subsistait encore longtemps après la ruine de Ninive. Cette ville était devenue insupportable à Semiramis en lui rappelant sans cesse la mort du roi. Elle voulut parcourir toutes les parties de son vaste empire. Ce voyage était assez difficile, car les conquêtes étant très mal gardées, on était souvent obligé de les conquérir de nouveau. Semiramis laissa partout des marques de sa magnificence. Elle travaillait à la commodité et à l'embellissement de toutes les villes où elle passait. La plupart de ces pays manquaient d'eau. Le commerce n'existait pas faute de communication. Semiramis fit creuser des aqueducs, et elle perça des montagnes et combla des ravins pour établir des routes. Quand Semiramis eut achevé sa tournée, elle se trouva dans un désert semé de marais infectes. Aucune plante n'y poussait, les plaines étaient remplies de sable et de pierres calcinées, des animaux immondes grouillaient dans les eaux stagnantes, la ronce seule traînait au milieu de ce terrain aride. Une espèce de bitume sortait de terre et se répandait aux alentours comme une immense lave. On voyait encore les restes d'un monument que le temps avait rongé. C'est à cette place que jadis s'était élevée la tour de Babel. L'Éternel, furieux contre l'ambition des hommes, avait maudit ces lieux abandonnés. Semiramis, qui était idolâtre, ne craignait pas le Dieu des Juifs. Elle pensa qu'il serait bon de tirer parti de ces terres incultes. Le bitume pouvait être très utile pour bâtir. La reine était de ces êtres qui ont un immense besoin d'agitation, car n'ayant pas trouvé le bonheur sur la terre, il eut besoin de s'étourdir. Comme autrefois le roi Ninus, elle résolut d'élever une ville. Bientôt le désert fut défriché et transformé en magnifique campagne, et l'on vit s'élever les murs de Babylone. Ces murs avaient 12 toises et demie d'épaisseur, 50 toises de hauteur et 24 lieues de circuit. Ils étaient bâtis de larges briques cimentées de bitume, liqueur épaisse et glutineuse, qui, avec le temps, devient beaucoup plus dure que la brique et la pierre. Ces murailles étaient entourées d'un vaste fossé rempli d'eau. Babylone avait la forme d'un carré. De chaque côté étaient 25 portes d'airain, ce qui faisait en tout 100 portes. Entre ces portes, il y avait plusieurs tours élevées 10 pieds plus haut que les murailles. Babylone avait 50 rues qui se coupaient en angle droit. Elles étaient bordées de maisons qui avaient 3 ou 4 étages et dont le devant était orné de toutes sortes d'embellissements. Les maisons avaient de chaque côté un vide qui les séparait les unes des autres. Une branche de l'Euphrate traversait cette grande ville du nord au midi. On bâtit sur les bords une grande muraille de briques et de ciment pareille aux anciens murs. On y mit des portes d'airain vis-à-vis de toutes les rues qui coupaient le fleuve, avec des descentes qui y conduisaient et dont les habitants se servaient pour passer en bateau. Il y avait cependant un très beau pont. Les arches en étaient bâties avec de grosses pierres liées ensemble par du ciment et du plomb fondu. Lorsqu'il s'était agi de le construire, on avait détourné le cours du fleuve et mis son lit à sec. L'Euphrate, ayant l'habitude de déborder comme le Nil, pour mettre le pays en sûreté, on construisit des canaux et des digues qui recevaient les eaux près d'inonder la ville. Ces eaux étaient conservées dans un réservoir commun, d'où on les tirait pour arroser les terres dans les temps de sécheresse. Ce réservoir, qui était un lac immense, servait donc en même temps à défendre le pays contre les inondations et à le fertiliser. Aux deux extrémités du pont, il y avait deux palais qui communiquaient ensemble par une voûte construite sous le lit de l'Euphrate pendant qu'il était à sec. Un de ces palais avait 1,5 lieue de tour et l'autre 3 lieues. Ces deux monuments étaient environnés d'une triple enceinte de murailles embellie d'une infinité de sculptures qui représentaient au naturel toutes sortes d'animaux. On y voyait surtout une chasse où Sémiramis, de dessus son cheval, lançait un javelot contre un léopard et où Ninus, son mari, perçait un lion. Dans ce dernier palais étaient ces jardins suspendus, depuis devenus si célèbres. Ils formaient plusieurs terrasses posées en forme d'amphithéâtre, dont le plus élevé égalait la hauteur des murs de la ville. On montait d'une terrasse à l'autre par un escalier large de 10 pieds. La masse entière était soutenue par de grandes voûtes placées l'une sur l'autre et fortifiées d'une muraille de 22 pieds d'épaisseur qui entourait les jardins. Sur le sommet des voûtes, on avait posé de grandes pierres plates de 16 pieds de long et de 4 de large. On avait mis par-dessus une couche de roseaux enduite d'une grande quantité de bitume, sur laquelle il y avait 2 rangées de briques liées fortement ensemble avec du mortier. Tout cela était couvert de plaques de plomb, et sur cette dernière couche était posée la terre du jardin. Ces plateformes étaient ainsi construites pour que l'humidité de la terre ne perçât point en bas et ne s'écoulât pas au travers des voûtes. La terre qui avait été apportée sur le palais était si profonde que les plus grands arbres pouvaient y prendre racine. Aussi toutes les terrasses en étaient-elles couvertes, ainsi que de toutes sortes de plantes et de fleurs propres à embellir un lieu de plaisance. Sur la plus haute terrasse, il y avait une pompe. On tirait en haut l'eau de la rivière et on arrosait là tout le jardin. Sémiramis avait fait aménager dans l'espace qui séparait les voûtes sur lesquelles était appuyé l'édifice, de grandes et magnifiques salles bien éclairées et ayant une très belle vue. Un des plus grands ouvrages de Babylone était le temple de Bel. Cet édifice consistait en 8 tours bâties l'une sur l'autre, toujours en diminuant en forme de pyramide. On prétend que cette tour surpassait en hauteur les plus grands monuments du monde. On y montait par des degrés qui allaient en tournant par le dehors. Dans cette tour, on avait pratiqué plusieurs grandes chambres avec des voûtes soutenues par des piliers. Au sommet de ce monument, il y avait une espèce d'observatoire. De là, les Babyloniens étudiaient l'astronomie. Mais cette tour était principalement destinée au culte du dieu Bel. Il y avait pour cette raison plusieurs chapelles magnifiques. Les richesses de ce temple en statues, tables, encensoirs, coupes et autres vases sacrés étaient immenses. Parmi ces statues, il en existait une de 40 pieds de haut, laquelle pesait 1000 talents babyloniens, ce qui vaudrait en notre monnaie 221 millions. Tels étaient les principaux ouvrages qui ont rendu Babylone si fameuse. Plus Sémiramis régna, plus elle fut aimée et respectée de ses sujets. Un jour, elle était à sa toilette quand on vint lui annoncer qu'il y avait une révolte dans la ville. Elle partit à la minute, les cheveux à moitié relevés, sa robe détachée, et ne revint pas que le trouble ne fût entièrement apaisé. On lui érigea une statue où elle paraissait dans cette attitude, et c'était un négligé qui ne l'avait point empêché de voler à son devoir. Cependant, Sémiramis, habitué à l'existence vagabonde des voleurs et des conquérants, ne pouvait s'accommoder d'une vie tranquille. D'ailleurs, que pouvait-elle faire sur la terre, sinon imiter Ninus, qui l'attendait au ciel? Elle rassembla une armée considérable et courut à la conquête de l'Éthiopie. Pendant qu'elle était dans ce pays, elle entra dans le temple de Jupiter Amon et voulut consulter l'oracle pour savoir quand sa vie finirait. L'oracle répondit « Quand ton fils Ninias te dressera des embûches, la mort se rapproche. » La dernière expédition de Sémiramis fut dirigée contre les Indes. Comme la force des Indiens consistait principalement dans leur grand nombre d'éléphants, la reine, qui en possédait très peu, fit accommoder des chameaux en forme d'éléphants. Le roi des Indes, voyant approcher l'ennemi, envoya des ambassadeurs pour savoir de quel droit on venait attaquer ces états. « Dites à votre maître, répondit Sémiramis, que dans peu je lui apprendrai moi-même qui je suis et ce que je veux. » Elle avance aussitôt vers le fleuve Indus et fait préparer un grand nombre de barques. Le passage est longtemps disputé, mais après un combat sanglant, les ennemis sont mis en fuite. Plus de 1000 barques indiennes furent coulées à fond et l'on fit 100 000 prisonniers. Excité par ce succès, Sémiramis s'avança dans le pays, laissant 60 000 hommes pour garder le pont de bateau qu'elle avait fait construire. C'est ce que demandait le roi, qui faisait semblant de fuir. Quand il la crut assez avancée, il se retourna. Alors eut lieu une seconde bataille plus sanglante que la première. Les pauvres chameaux habillés en éléphants ne purent lutter contre les éléphants véritables. Ces véritables éléphants mirent l'armée en déroute en écrasant tout ce qu'ils rencontraient. Sémiramis courait dans la mêlée pour rallier ses troupes, quand le roi, l'apercevant, se précipita sur elle et la blessa 2 fois. Comme on courait en foule pour passer le fleuve, le désordre et la confusion firent périr un grand nombre d'hommes. Quand Sémiramis eut mis en sûreté le peu de troupes qu'elle avait pu sauver, elle rompit le pont de bateau et par là arrêta la poursuite des ennemis. Sémiramis est la seule, et après elle Alexandre, qui ait osé porter la guerre au-delà du fleuve Indus. Après cette expédition malheureuse, Sémiramis découvrit que son fils lui dressait des embûches. Elle se souvint alors de l'oracle de Jupiter Amon et pensa que sa fin approchait. Sans se plaindre ni murmurer, elle abdiqua et remit le pouvoir entre les mains de son fils. Sémiramis disparut du monde sans qu'on sût ce qu'elle était devenue. Probablement elle s'est tuée. Les Assyriens adorèrent cette femme sous la figure d'une colombe. Sémiramis offre un grand exemple de ce que peuvent produire le courage et le génie. Elle naquit au dernier rang et mourut, j'allais dire, immortelle. Après cette femme illustre, il ne régna plus que des hommes sur l'empire assyrien. Le règne de l'égoïsme et du privilège recommença. Les forts triomphèrent et les faibles rentrèrent dans l'obscurité. Babylone oublia qu'une femme l'avait fondée, et pourtant Sémiramis, cette grande reine, n'avait pas trouvé qu'un homme était indigne de lui succéder. Ainsi s'achève Sémiramis, l'amour en Assyrie, par Adelphes et Alphonse Esquiros.